Anatole Kiko a des bâtisseurs et dit Maziko Willy Ilunga. Ya Fofo Konzi et Emmanuel Kianda. Tito Mokonda, Yanri Wanyama fait production et dit Makutima. Moulopoué Gabin Titeya, Richard Titeya, Willy Carlos. Makambo Nazela, Nazela Sela Elelo, Yuba Espoir Nangai. Et comme Akilo Kola, Meme, Oyo Asali, Mikolo Somi Nandako Yabalion. Jacques Okongo, Emile Ngoye Kasongo, Emile Tonde. Akambo Nazela, Nazela Sela Elelo, Yuba Espoir Nangai. Et comme Akilo Kola, Meme, Oyo Asali, Mikolo Somi Nandako Yabalion. Ya Toussaint Chilombo. Bambe Bonangai, se voit qu'elle est loisie diplôme. Fête Royo, Nini Mame Tomasa. Toussaint Kabasele, c'est maïs. Ouais, ma fête Royo, Nini Mame Tomasa. Patrick Pacho, l'empereur de Bakwanga. Eddie Kilombo, il est riche, ma nono. Jean-Claude Mwemba. Ma papou. Ya sabola taba pakoli pembe jamais. Eko komi sa ye angelou. Poli mweza ye pire. Eza ya trafikete o. Se le diatomba ye. Lola mweza mitema. Eza ya sanga misapite o. Christian Mandani ye ye ye ye. Un Canadien de plus au Congo. King Makiadi. Moninga ya Walter Ngalula. Chango de Panama. Jona Joe. Karine Zouzi ya Simon Koms Bamba na Suisse. Désiré Ngoma. Oza danje na ma privaza bali nga eza bisa kangaye. Pecha kanga musika na ngay mokoe. Tinga mi bossa na o. Jean-Pierre Bola Kisa. Oza danje na ma privaza bali nga eza bisa kangaye. Pecha kanga musika na ngay mokoe. Mimi na kango di Paris 16e, Clémence Diatomba. Oli mweza konsekasa yeza nga koze o. Roi kwa ima yanga na bone na ye o. Tosutu kya kyo miofu kamela ye o. Amour, eka mwisa kabisote. Leon Mwanga, Chéri Louveto, Roger Diatomba, Donatien Diatomba. Sedou Louvoilou. Didier Leka et Meluemba, Bana London. Osa kanamaka kwa matelingu makanisa mweza nzete o. Boli mwebanga kanango badanjete o ime. Amour ye mokonziye. Irene Mokabila, Frida Mouchi, Hotel Grassus. Lydie Pinzola. Makamole Koloa. Salingana koti sela yo samba ya bambu maelengyo Nandako ye ye ye. Sika loboko Mama Weeva. Komisanga epa yo. Salingana koti sela yo samba ya bambu maelengyo Nandako ye ye ye ye. Didier Masaya Vatican Pati Mubenga. Ato viniki mama kado. Nekado nangana sela kashake jour. Salaka ye ye ye, salaka ye. Ali Jabiri, Alain Bia, Jackie Sono, Valentin Bangous, Prince Losala, Emma Simba, Edar Simba, Yves Makambo. Bayebi Bolingotero, Bayebi Kakaye Monenaka, Oye Bomana Etikale La Bango Mopaya, Bolingoya Kakasani Teso Kesa Sana. Ya sala, ya ya ya ya sala, j'ignore qui cala. Papa Albert Mongol, qui est donné le salé au Kito Honja. Akambo Nazela, Nazela Sela Eleloyo. Betina na ya ya ya ya, mamana Ange Manda yo yo yo yo. Mon amour. Akambo Nazela, Nazela Sela Eleloyo. Rémi Eleyase, mon colonel Nanga. DDP Edgar Bisso. Akambo Nazela, Nazela Sela Eleloyo. Ya ya na Nzambe manzonga Faustin Lingosa l'excellent Ifelo ezo kisima paradis eye mbangu Papota ya kala Yeka uki sankisi Obundi na bolingo Obundi na ba mama Mon général Dabira O assassine ma wananga O sekwisi bisengo nanga Bafulu nange zolumba Solo amalasi pembe nina yo Au Congo, la qualité, aux vaccins, y'a pas de faux. Rachel Fouta Tendai, Jid Orange. L'Ifele Zangissima, Paradis et Mangou, Papote et Kala, et Kaouki Sankissi, au Boudina Bolimbo, Boudina Bamama. Président Jury de London, Bosco Loco, Milaïsa, Cheda Moubiala. Gabi de Bronze, José Wanduka Kachito Tilolo, Fondation Mutombo Dikembe, Martin Lukusa, Frank Libandi, Ipei de Gokar. O assassiné de ma wananga, o sekwisi bise wananga, Bafulu na nezolumba, sola malasi pene na yo, O Congo la bakalite, o sa vaksa ya ba defo. Henri Yang, Matadiwa. A ton fini qui m'a marqué dans le cadeau de la menace, c'est la cache que je joue. Salaka, salaka, Roland Chamba, Pacha Ramazani, Kati Kabuku. O Sakana, ma kakwa, ma telimu, ma kanisa, mwesa, zete. O lingwe, ma kakana, ngoba, tangete. Amour, yemo. Maman Miesi, Benou Louvado, Akuna Matata, Gilfa. L'Ifele Zangissima, Paradis et Mbangu, Papote et Kala, Eka Uki Sankisi, Obundi na Balimbo, Obundi na Bamama. Zola Tempo, Tempo, Florine Kunko, Beyazi de London, Fabrice Massamba, BDG Wabel Orango, Didier Mundeke, Winnie Fatay Django, Michaud Dianga Madianga, Donc, Kintina Yves Kinti. Oyo qui je suis? Augustin Okoko. Lucien Okende. Papa na Cynthia. Aéroport de Njili.